Chapitre 4. En montant en voiture, la comtesse eut l'idée de ne pas aller chercher Madame de Guibray. De cette façon, du moins, elle ne verrait pas André ce soir. Puis, rapidement, elle changea d'avis. Bast, autant en être sûr. Et elle donna l'adresse de la marquise qui habite au parc Monceau. Madame de Guibray remercia chaudement Josette de l'emmener à l'opéra. Bref, c'était bien gentil à elle. Elle était une des rares personnes avec qui son mari consentait à la laisser sortir sans lui. Il est tellement jaloux et ennuyeux et tracassier. Heureusement, il est très riche car sans ça, enfin, on ne peut pas non plus tout avoir contre soi. La marquise déblatérait d'une voix douce et musicale. On eût dit qu'elle s'acharnait ce soir à relever des griefs contre son mari. Josette, distraite et absorbée, ne répondait rien. Mais elle s'étonnait de trouver Madame de Guibray moins banale que de coutume. Cette femme, si belle avec son profil d'impératrice romaine et ses bandeaux blonds cendrés, lui avait toujours paru froide et insignifiante. Certes, il était impossible d'être plus jolie qu'elle, mais jamais la comtesse n'eût supposé qu'André s'éprit de cette poupée sans esprit et sans cœur. Jamais non plus elle ne se fût permis d'effleurer d'un soupçon les ailes d'ange de son amie, laquelle a su se bâtir à chaud et à sable une réputation immaculée. « Pourquoi donc votre mari ne vous accompagne-t-il pas ?» demanda Josette. « Il va sans dire qu'il était invité. Merci pour lui, mais vous le savez, c'est un ours. »« Un ours que j'aime beaucoup, » dit brièvement Madame Moret. Et de fait, elle aimait bien le marquis de Guibray. Elle le plaignait, sans s'expliquer pourquoi, d'être le mari de cette sainte. Elle supposait que ce brave garçon, franc et bon, aux allures un peu brusques, devait, dans l'intimité, être un véritable martyr. Tout le monde le félicitait d'être le mari de sa femme, lui disant à mots couverts qu'il avait une chance imméritée et qu'il n'était pas digne de posséder un pareil trésor. Le marquis écoutait sans se fâcher les imbéciles qui lui répétaient à qui mieux mieux. « Vous êtes le seul mari qui n'ait pas à craindre d'être ce que sont les autres. » « Votre femme est un ange. » Josette calculait les sommes de patience et de résignation que le pauvre mari devait dépenser pour payer largement ce privilège. À mesure qu'elle approchait de l'opéra, elle devenait plus nerveuse et plus inquiète. André sera-t-il là? Si oui, le doute était impossible. Il venait pour Madame de Guibray. Et pourquoi venait-il? Étant son amant et ne pouvant se passer de la voir? Ou au contraire, ne l'étant pas encore et cherchant toutes les occasions de la rencontrer. Une douloureuse angoisse coupait la respiration de Josette. En montant l'escalier, elle s'arrêta un instant, prise d'une sorte d'étourdissement. Elle ne voyait plus les marches, et il lui semblait que les lourdes murailles se resserraient contre elle. Madame de Guibray s'aperçut de ce malaise. « Êtes-vous essoufflée ? » demanda-t-elle. « Non, » répondit la comtesse. Et entrant dans sa loge, elle alla tout de suite se placer, laissant son amie dans le petit salon, fort occupée à lisser devant la glace ses bandeaux blonds. Josette connaissait le fauteuil de M. de Dammartin, au troisième rang, presque au milieu de l'orchestre, en face d'elle. Ses yeux cherchèrent André. Il était là, regardant anxieusement l'avant-scène où elle venait d'entrer. Sans nul doute, il s'inquiétait de ne pas voir la marquise. En effet, dès que Madame de Guibray parut, il cessa de regarder la loge et sembla écouter attentivement le roi qui chantait « Léonore, viens, j'abandonne, etc. » « Que c'est beau, cette musique de la favorite !» dit la marquise. Il s'assit lentement, remuant son fauteuil, sans se soucier du bruit, et s'installant au milieu d'un froufrou de jupe et d'un cliquetis de perles et de jais. Plusieurs crânes de l'orchestre se retournèrent aussitôt vers l'avant-scène, qui devait le point de mire de toutes les lorgnettes. Caron pouvait bien chanter comme bon lui semblerait, « Pour toujours, belle maîtresse, pour toujours, tu m'appartiens. » Personne ne l'écoutait plus. C'est que la vue de la loge méritait réellement cette attention. Les deux femmes étaient, dans des genres absolument opposés, deux types de beauté parfaite. Madame de Guibray est assise à droite, en toilette noire constellée de broderies et de perles brillantes. Une aigrette de diamants, tremblant au bout de longs fils flexibles, fixe une touffe de plumes dans ses beaux cheveux blonds. Son cou est serré dans un collier carcan fait d'énormes diamants. Elle promène autour de la salle, le regard impassible et doux de ses grands yeux noirs. Cette beauté pleinement épanouie, froide et digne, qui rit rarement, mais sourit toujours, attire tous les hommages, et tandis que les femmes prétendent que Madame de Guibray manque de mouvement, de physionomie, et qu'il n'existe en elle aucune corde sensible, les hommes affirment que cette corde existe à l'état latent, et que celui qui saura la faire vibrer ne sera pas à plaindre. Ce n'est toutefois pas chose facile, car outre que la marquise est espagnole, prude et dévote, son mari, qui l'a épousée par amour, la surveille avec un soin jaloux. À gauche est Josette, superbe de simplicité, sans un bijou, une toute petite branche de lilas blanc au corsage. Sa pelisse de zibeline, tombée sur le fauteuil et sur le rebord de la loge, l'entoure d'une ombre veloutée qui fait ressortir encore davantage la merveilleuse carnation des épaules et des bras. L'air insouciant et froid, elle parcourt la salle du regard, mais elle fixe, sans les voir, tous ces visages connus. Au milieu de ses relations, environnée de gens qu'elle reçoit sans cesse, elle se trouve seule, toute seule, sans appui, profondément lasse et découragée, et dans l'étouffement de cette chaleur intense faite d'agglomérations humaines, elle se sent frissonner. Jamais la salle ne lui a paru aussi lugubre. Tous ces ors noircis, ces cariatides sans grâce, cette ornementation tourmentée l'irrite et l'agace. Autour d'elle, elle aperçoit les mêmes figures qu'elle voit depuis 5 ans. À peine ont-elles quelques rides de plus et quelques cheveux de moins, mais les sourires, les poses, les grimaces n'ont pas changé. Madame de Guibray regarde avidement la salle. Son grand chagrin est de n'avoir pas de loge à l'opéra. Ce cadre un peu lourd fait admirablement valoir sa beauté blonde et lumineuse, et elle souhaiterait l'y produire plus souvent. Après avoir examiné longuement l'orchestre, elle dit tout à coup à Josette « Tiens, voilà monsieur de Lalonde, là, à droite. Je croyais que jamais il n'entrait à l'opéra. » « C'est vrai. Mais il paraît que c'est le jour aux exceptions, car vous non plus, ma chère Mercedes, vous ne venez pas souvent à l'opéra. »« Hélas, » soupira Madame de Guibray, « sans vous, je n'irai jamais. » Et après un silence, « Vous le connaissez beaucoup ?»« Qui ? Monsieur de Lalonde ?»« Beaucoup, et depuis longtemps. »« C'est un charmant ami, n'est-ce pas ?»« Charmant. » »« Oui, en effet, il me paraît très sympathique. Mais on le dit sauvage. » »« Jusqu'à présent, il l'a été. » répondit Madame Moret, que cet interrogatoire mettait au supplice. Quoiqu'évidemment, il fût fait tout innocemment. Seuls l'aréole et la belle-mère de Josette avaient deviné la nature des sentiments qu'elle éprouvait pour André. Tous deux savaient que la jeune femme ne céderait pas à l'entraînement et, bien que l'aréole l'affectât de croire le contraire, il était au fond convaincu qu'elle n'avait rien à se reprocher. Dans le monde, personne ne soupçonnait la vérité. L'intimité de M. de Lalonde et de la comtesse ne surprenait personne. N'était-il pas son ami d'enfance, le fils de son tuteur? La jeune femme appelait André ce camarade d'autrefois qui, lui aussi, l'appelait Josette. D'un autre côté, la comtesse et Madame de Guibray, très liées en apparence, ne l'étaient pas en réalité. Josette ne se liait avec aucune femme de son entourage. Elle avait des relations, mais pas d'amis, excepté sa belle-mère, qu'elle considérait comme telle. Monsieur de Lalonde est d'une grande famille de Bretagne, je crois, reprit Madame de Guibray. Josette, étonnée, allait répondre. Mais du tout, il est d'une vieille famille bourgeoise, tout bonnement. Elle s'arrête à court, réfléchissant que cela diminuerait peut-être André dans l'esprit de la marquise. Quoiqu'elle ne supposât pas qu'il eût cherché à l'induire en erreur à ce sujet, elle préféra ne pas la détromper et répondit évasivement. « D'une très vieille famille, oui. Pourquoi ?»« Parce que, monsieur de Lalonde s'étant fait présenter à moi il y a quelques jours, je désire l'inviter à mes lundis. Quel est son titre ?»« Son titre ?» s'écria Josette, qui malgré sa tristesse eut envie de rire. « Mais il n'a pas de titre, à moins qu'il ne lui en soit poussé un, à lui aussi. »« Ah ?» dit d'un air indifférent Madame de Guibray. Et continuant son inspection, « Les Ledru sont là. » Geneviève est encore plus jolie ce soir qu'à l'ordinaire. Quel est donc ce monsieur au fond de la loge? Ah, c'est l'aréole. au nom de l'aréole, Josette tressaillit. La pensée que cet homme avait osé la toucher la révoltait. Voici, dit Madame de Guibray, recommençant à lorgner l'orchestre, Monsieur de Scaer qui arrive. Naturellement, c'est le ballet. Ah, il a des attaches dans le corps de ballet? Pas que je sache. À la bonne heure, cela m'eût étonné. Parce que. Mais parce que. On le dit très occupé ailleurs, plus haut. Et comme Josette ne disait rien, la marquise reprit. Tout le monde sait qu'il est féru de Madame de Villefranche. C'est ce que vous appelez plus haut? Mais il me semble. Il me semble à moi que c'est tout pareil. C'est une fille qui a un mari, voilà tout. Oh, Josette! Pourquoi s'est-elle indignée? Vous savez aussi bien que moi ce qui en est. Mais enfin, vous la recevez. Eh bien, j'en reçois bien d'autres qui ne la valent peut-être pas. L'acte finissait. Madame Moret se leva brusquement et, sans écouter la réponse de la marquise, elle alla s'asseoir sur le petit divan au fond de la loge. Au même instant, M. de Scaer entrait, suivi d'André. Josette se sentit pâlir. Son cœur battait violemment, et elle ne trouva pas un mot à dire, mais, grâce à l'oncle Jean, personne ne remarqua ce trouble singulier. « Tu n'es pas stupéfaite de la visite que je t'amène ? » cria-t-il joyeusement. « André, à l'opéra ! Voilà ce qui ne s'est jamais vu !» Josette évita de répondre, et tandis que M. de Lalonde saluait la marquise, elle dit à l'oncle Jean « Prends donc une chaise, là, dans le coin. »« Merci, c'est pas la peine. Je file. »« Déjà ?»« Oh, je vous laisse André. Je suis convaincu que ça lui va, et d'ailleurs, je désire ne pas le traîner à ma suite. » Impossible de produire le moindre pauvre petit effet à côté de lui. On n'a Dieu que pour le regarder. Je comprends du reste ça, mais enfin, c'est pas drôle pour le voisin. Monsieur de Lalonde haussa en riant les épaules. « Oui, oui, » reprit l'oncle Jean. « Prends ton air modeste. Tu sais parfaitement à quoi t'en tenir. Quand je vais sortir d'ici, 25 personnes vont me sauter dessus pour me dire. Quel est donc ce monsieur qui était avec vous tout à l'heure ? Ce superbe monsieur qui a l'air d'un souverain en disponibilité. Allons, bonsoir, je me sauve. Je brille trop peu quand tu es là. Ici encore, ça m'est égal. Josette est ma nièce, et Madame de Guibray est invincible, par conséquent, rien à faire. Mais ailleurs. Il est fou, dit André, et refermant la porte derrière M. de Scaer, il vint s'asseoir en face des deux femmes. Tous trois échangèrent quelques banalités. Bientôt, Josette se leva de nouveau et enjambant la traîne de Madame de Guibray qui barrait le passage. « Ne vous occupez pas de moi, » dit-elle presque gaiement. « Je vais regarder la salle. » Retournant à sa place, elle eut l'air d'examiner la salle, mais son fauteuil, tourné de profil, lui permettait de bien voir André, dont la tête se trouvait en pleine lumière sous le bec de gaz de la loge. Elle le regardait comme si elle ne devait plus le revoir jamais. L'oncle Jean a raison, il est vraiment très beau. Svelte, comme à 20 ans, les cheveux châtains, la moustache très blonde, le teint d'une pâleur saine et les lèvres d'un rouge éclatant, M. de Lalonde a une charmante physionomie sérieuse éclairée par de grands yeux d'un bleu étrange. Élégant et distingué, il est correct, sans affectation et grave, sans raideur. Très intelligent, très travailleur, André adore sa carrière, la prend au sérieux et n'a jusqu'ici aimé qu'elle. Très sauvage, fuyant le monde en général et les femmes en particulier, il n'a aucune relation et évite de se laisser présenter à personne. Naturellement, sa grande mine et surtout sa réputation de sauvagerie le font remarquer par toutes les femmes désireuses de l'apprivoiser. En le regardant marivauder avec Madame de Guibray, Josette ne peut en croire ses yeux. Cependant, il n'y a plus à douter, il l'aime. Elle le voit ému et impressionné. Lui, que rien ne déconcerte, semble ce soir timide, presque gauche. Il était ainsi le jour où, pour la première fois, il lui a dit qu'il l'aimait. À ce moment, la marquise et André s'approchent d'elle. « Est-ce vrai, Josette, dit Madame de Guibray, que les peintures du foyer valent la peine d'être vues ?» Madame Moret secoue sa torpeur et répond « Certainement. Comment, vous ne les connaissez pas ?»« Non, et M. de Lalonde veut absolument me les faire admirer. »« Il a raison. »« D'autant plus, dit André, que je ne les ai jamais vus non plus. »« Allons, venez-vous, Josette ? Non, merci, moi je connais les peintures de Baudry. Elle les suit jusqu'à la porte de la loge et revient tristement s'asseoir sur le divan. Elle a eu souvent des ennuis, des contrariétés, mais elle souffre pour la première fois de sa vie. Il est impossible qu'André aime vraiment cette femme. Si, parce qu'elle se donne, elle. C'est son seul mérite. Et devenant atrocement jalouse, si je voulais pourtant, il serait temps encore. Mais rien qu'à cette pensée, elle est prise de dégoût. Quelle honte. Devenir une femme comme celle qui l'entoure. Allons donc, jamais. Elle est là, pleurant son rêve perdu. Tout à coup, une voix amie lui demande à l'oreille « Voulez-vous me donner l'hospitalité dans votre loge ? Je m'assomme dans celle du cercle. « Pierre ?» s'écrie Josette qui, sans chercher à lui cacher son visage bouleversé, le fait asseoir près d'elle. « Je ne vous avais pas entendu entrer ?» et lui prenant les deux mains. « Vrai, je suis bien contente de vous revoir aller, car je vous vois seulement à présent. Tantôt, ça ne comptait pas. » Monsieur de la Fère regarde la jeune femme avec une expression d'immense tendresse. Il est pâle, tremblant, et Josette le retrouve tel qu'elle l'a vu, dans la lande de Skaer, le soir, où lui a demandé s'il n'avait pas peur seul avec lui. Instinctivement, elle lui lâche les mains et s'éloigne un peu, puis, sans trop savoir ce qu'elle dit, « Donnez-moi des nouvelles de votre mère. Je l'aime tant. Quand arrivera-t-elle à Paris ? Il me semble que cette année, elle vient bien tard. Avez-vous été à Skaer ? J'y passe à peine 2 mois à présent. » Oui, j'ai su que M. Jost lui-même n'habitait plus toute l'année. Et Fenris ? Fenris est mort. Mais j'ai son fils, qui est exactement pareil à lui. Je vous le présenterai. » Elle parlait, cherchant à s'étourdir, les yeux brillants, les pommettes trop roses. Pierre, se penchant vers elle, lui dit « Je ne suis pas venu pour vous fatiguer ni vous contraindre. Faites comme si je n'étais pas là. Laissez vos nerfs se détendre tandis que nous sommes seuls et faites bonne contenance quand ils reviendront. » « Comment ? » dit la comtesse, l'interrogeant du regard. « Qui vous a dit ? » « Personne. » « Mais vous savez, ce que j'ai deviné seulement, votre préoccupation de tantôt, votre tristesse de ce soir, m'ont appris bien des choses que je prévoyais déjà il y a 5 ans. J'ai pensé qu'une vieille amitié comme la mienne pouvait être utile sans importuner. Me suis-je trompé ? Que vous êtes bon. Je suis humain, tout au plus. On s'intéresse toujours aux maladies qu'on a soi-même. Ne me jugez pas sévèrement. Si vous saviez, je ne veux rien savoir. Je suis là pour vous distraire, si faire se peut. Non, pour vous ramener à vos préoccupations. Voyons, parlons de vous. Vous êtes transformé. J'ai laissé un indomptable sauvageon, je retrouve une mondaine à tout craint. Mondaine, pas trop. Le sauvageon l'emporte toujours. Tant mieux. À présent, racontez-moi la salle. Je vois un tas de visages nouveaux que je ne connais pas. Vous ne perdez pas grand-chose. En effet, à première vue, cela me produit assez cette impression. À propos, je viens d'apprendre que mon ami Guibray a épousé cette belle personne qui est avec vous ce soir. Où l'a-t-il dénichée ? En Espagne, dit-on. Comment, dit-on ? Vous n'en savez pas davantage ? Mais non. Monsieur de Guibray était secrétaire à Madrid. Il a été longtemps absent. Puis un beau jour, il est revenu marié, présentant à ses amis cette jolie femme. Que, naturellement, tous ont accueilli sans s'informer d'où elle sortait. Et ça, c'est parisien, ça. Qu'est-ce que vous supposez ? Moi ? Rien. Je regarde, au contraire, Madame de Guibray avec un vif intérêt. D'abord, elle est la femme d'un ami. Ensuite, elle me rappelle une très séduisante personne, autrefois rencontrée. Qui donc, dans cette loge, voyez-vous, là, en face de nous ? Ce sont les Ledru. Les Ledru ? Des gens d'argent. Un ancien notaire, devenu tripoteur d'affaires. Vous le connaissez ? Oui. C'est sa femme, cette belle créature qui semble détachée d'une vignette de Michel ? Non, sa fille. Comment la trouvez-vous ? Un peu archaïque, pour mon goût, mais splendide. Dans la loge à côté, il y a une plantureuse beauté qui doit être de vos amis. Je crois l'avoir aperçue chez vous tantôt. Ainsi que le petit jeune homme qui se dissimule avec affectation. Ce n'est pas une de mes amies. Je n'ai pas d'amis. Mais elle vient effectivement chez moi. C'est Madame R. Salon politique et littéraire. Voulez-vous que je vous présente ? Ah non ! Qu'est-ce que je vous ai fait ? Tiens, pourquoi cet imbécile de Jean m'a-t-il dit que l'aréole n'était plus le favori de Madame de la Saussaye ? Mais parce que c'est la vérité. Chère petite madame, vous êtes très myope. Vous savez, si vous voulez bien regarder dans la baignoire de la mère La Saussaye, vous verrez l'aréole. Il est assis juste à la place où je l'ai vu lorsque je suis venu à l'opéra pour la dernière fois, c'est-à-dire en 1878. Monsieur de la Fère voulut passer sa lorgnette à Josette qui la repoussa avec effroi. « Non, non, c'est inutile, je vous crois, » dit-elle. « Mais cela m'étonne un peu, parce qu'à présent c'est toujours Monsieur de Luxeuil qui accompagne Madame de La Saussaye. » « Je sais. Et le plus drôle, c'est que tout à l'heure, j'ai aperçu au cercle ce Monsieur de Luxeuil, qui était aussi hier à votre 5 o'clock, ce qui, soit dit en passant, me surprend fort. Eh bien, figurez-vous que cet intéressant jeune homme attend, en faisant la petite partie, l'aréole, qui va lui apporter cette nuit 600 louis qu'il lui doit. Et vous pensez qu'il ne les lui apportera pas ? Mais si, puisqu'il est en train de les gagner. Ce qui m'amuse, c'est la façon dont il se les procure. Mais je vous fatigue. Ne vous croyez pas obligé de me parler, au moins. Tenez, je ne dirai plus rien. Je vais vous regarder tout à mon aise. Ça durera longtemps. Et Pierre, le ton gai, mais le regard triste, continua. C'est une très agréable occupation. Vous avez ce soir l'air d'une perle rose dans un écrin de velours blanc. Je vais vous présenter à Madame de Guibray. Non. Comment non ? Laissez-moi me présenter moi-même. Je suis convaincu que je produirai un grand effet en débitant mon petit boniment. Je déteste les présentations banales. Madame de Guibray rentrait majestueuse et souriante au bras d'André. Il s'inclina respectueusement devant elle et lui dit « Permettez-moi, madame, de vous rappeler le souvenir d'une soirée que nous avons passée ensemble, il y a plusieurs années, soirée délicieuse, pour moi. » À la vue de Pierre, le sourire éternel de la marquise avait soudain disparu. Ce fut cependant d'une voix douce et tranquillement indifférente qu'elle répondit « Mais, monsieur, vous devez vous tromper, je ne me souviens nullement de… » « De moi ?»« Eh, madame, il vous était bien permis d'oublier, qu'étais-je ?» Un passant de plus dans votre vie, un importun comme les autres, tandis que moi. J'ai gardé, des courts instants passés près de vous, un ineffaçable souvenir. » La marquise s'assit sans répondre, écoutant tout à coup avec un violent intérêt Salomon, qui disait avec un grand geste « Sire, je vous dois tout, ma fortune et ma vie. » André était préoccupé, il ne put s'empêcher de demander à Pierre « Où donc avez-vous connu Madame de Guibray ?»« Pchut !» fit Pierre en fronçant les sourcils. « Ne troublez pas ces dames qui écoutent. Madame de Guibray vous répondra tout à l'heure mieux que moi. » Et laissant à Monsieur de Lalonde le fauteuil placé derrière celui de la marquise, il s'installa derrière Josette. Madame de Guibray n'était en réalité occupée que de lui. Elle l'examinait de côté d'un regard faux, glissant sournoisement entre les cils recourbés. En vain, M. de Lalonde essaya d'échanger avec elle ses impressions sur la musique de Donizetti. Elle était absorbée et une imperceptible ride traversait son front pur. À l'entracte, plusieurs visiteurs vinrent saluer Josette et l'oncle Jean fit une seconde apparition. Il était chargé par Mlle Ledru de rappeler à la marquise qu'il fallait être le surlendemain à 3 heures à la chapelle des Pères pour répéter. « Ah, c'est vrai !» s'écria Madame de Guibray. « J'avais oublié que je chantais chez les pères. »« Vous avez toujours votre belle voix ?» demanda Pierre. La jeune femme allait répondre. M. de Scaer lui coupa sans façon la parole. « Une voix admirable. » Malheureusement, Madame de Guibray ne consent à se faire entendre qu'à l'église. « C'est une façon de nous forcer à y aller. »« Mon ami, il y a une petite chapelle tout là-bas, à l'Arc de Triomphe. » Tu n'as pas idée de la collection de jolies femmes qu'on rencontre là-dedans. Madame de Guibray, Madame de Jurieux, Mademoiselle Ledru, la baronne Jessie, Madame R. elle-même, y vient faire un essai loyal. Mais oui, Dammartin veut la convertir. Et ces dames ne se contentent pas d'éblouir les yeux des malheureux fidèles, elles enchantent leurs oreilles. Elles vous font entendre une musique soi-disant sacrée. Voilà, comme je la comprends, la musique sacrée. À la bonne heure. Est-ce que Madame Moret chante aussi dans cette chapelle? Elle? Ah bien oui. Tu ne connais pas ma nièce? Elle ne fait rien comme tout le monde. Elle n'assiste même pas au salut des pères, et pourtant, tu sais, les saluts des pères, il n'y a pas de première qui valent ça. Mais, en revanche, elle va à l'église à 5 heures du matin, en janvier. C'est vrai, je l'ai rencontrée il y a quelque temps. Elle sortait de Chaillot à 6h30. Non, vrai, c'est indiscret. On ne va pas tourmenter le bon Dieu à cette heure-là. Prends garde, Jean, c'est toi qui es indiscret. Que faisais-tu à 6h30 du matin, rue de Chaillot? Et Josette sourit, se rappelant que Madame de Villefranche habite rue de Chaillot. Comment? S'écria Madame de Guibray d'un air surpris. Je croyais que vous n'alliez même pas régulièrement à l'église le dimanche. Et vous y allez dans la semaine? Pourquoi donc cette bizarrerie? Parce que, répondit Josette d'un ton cassant, je ne vais pas souvent voir les gens que j'aime à leur jour. Elle se sentait devenir nerveuse et mauvaise. André ne paraissait pas se douter qu'elle fût là. Inconsciemment, il ne s'occupait que de la marquise. Madame Auray voulut échapper à cette souffrance. D'ailleurs, l'idée du retour en coupé seule avec son amie lui était insupportable. Elle se leva. « Je suis fatiguée, je rentre. »« Mercedes, je vais vous renvoyer le coupé. Jean, veux-tu me conduire à la voiture ?» Et comme Madame de Guibray faisait quelques cérémonies, voulant partir aussi, la comtesse insista. « Mais non, restez donc. »« Vous verra-t-on jamais aux aquarellistes ?» demanda Mercedes, en tendant par-dessus l'épaule la main à Madame Moret. « C'est l'ouverture, vous savez, la vraie. Ce soir, ce doit être une affreuse bousculade, tandis que demain, ça sera charmant. » Au pied de l'escalier, Josette et M. de Scaer rencontrèrent l'aréole. Ils donnaient l'ordre de faire avancer la voiture de Madame de la Saussaie. Il regarda la jeune femme à la dérobée et parut satisfait en voyant sa tristesse. La lettre anonyme avait produit l'effet attendu. Lorsqu'il eut rejoint la vieille femme, qui piétinait abritée dans un coin, l'oncle Jean se mit à rire et dit à Josette « Il s'envole avant la fin, comme des amoureux. Ce diable de l'aréole, il doit 600 louis à Luxeuil, il le promène depuis 3 mois. Or, Luxeuil, tout doux qu'il est, a fini par se fâcher. » Et il a prévenu que si cette nuit à 3 heures il ne lui a pas apporté la somme au cercle, il le fera afficher. Alors, tu comprends ? La comtesse fit un mouvement de dégoût. Non, je ne comprends pas que tu plaisantes de ces situations immondes. Oh, quel gros mot ! Tu ne devrais pas connaître l'aréole si vraiment tu le crois capable de tout. Tais-toi, je te déteste quand tu prends ce ton-là. Que veux-tu ? C'est mon ton. Chacun parle comme il peut. Mais je ne vais pas t'ennuyer plus longtemps. Ta voiture avance. Je voulais t'égayer, moi. Je trouve que ce soir tu as l'air tout je ne sais comment. Mais non. Mais si. Ah ça, si tu avais quelque chagrin, j'espère que tu me le dirais, hein. Je t'assure. Oh, je ne questionne pas. Je ne suis pas curieux. Souviens-toi seulement que je suis ton oncle. Si peu que ça paraisse. Que je t'aime bien et que je sais être sérieux quand il le faut. Merci et bonsoir. En arrivant chez elle, Madame Moret monta rapidement le grand escalier fleuri et, traversant l'antichambre, dit au valet de pied qui attendait « Pauline peut se coucher aussi, je n'ai besoin de personne. » Elle avait hâte d'être seule. En enlevant ses longs gants de saxe, elle marchait avec agitation, regardant son ombre qui se dressait immense sur la tenture claire. Sa longue traîne de velours blanc se repliait ou s'étalait, suivant les mouvements comme un grand serpent déroulant ses anneaux lourds. « Cela devait arriver un jour ou l'autre, » dit-elle tout à coup. « Ma folie a été de ne pas le prévoir. » S'arrêtant devant la cheminée, elle s'y accouda et resta rêvassée encore, le menton dans la main, le regard perdu, sans s'apercevoir que sa traîne effleurait les tisons, et que le fouillis de plissé de dentelle des jupons se roussissait lentement au contact des cendres chaudes. Il fallut que Pluton, ne recevant plus ses caresses habituelles, vint l'éveiller de cette torpeur. Posant ses grosses pattes sur la cheminée, le fantastique griffon, presque aussi grand que sa maîtresse, frotta doucement contre son épaule nue sa tête énorme. « Laisse-moi, mon pauvre Pluton, va à ta niche. » Le chien la regarda d'un bon œil triste et suppliant, puis, quittant la cheminée, fit quelques sauts de gaieté, s'écrasant en retombant sur le tapis, les pattes écartées, le ventre à terre, demandant de son mieux qu'on voulût bien jouer avec lui. Josette sourit. « Tu veux absolument faire ta partie, mon vieux Pluton. Au fait, pourquoi serais-tu malheureux, toi aussi ?» Il se mit à jouer avec le chien qui, joyeux, bondissait à travers la pièce. La chambre de la comtesse est très grande, toute tendue, murs et plafonds en 15-16 abricots. Il faut son éblouissante carnation pour supporter le voisinage de cette terrible nuance. Au milieu de la pièce, en face de la cheminée, un grand lit très bas, dont les rideaux de 15-16 semblent drapés par moreaux jeunes. Sur la cheminée, une pendule de Pigalle représentant l'amour captif. De jolis portraits ou fantaisies de Nattier, Largillière, Aublet, Clairin et Jacquet. Les anciens et les modernes sont réunis. Josette est très éclectique. Elle aime le beau, sans souci de l'époque ou de l'école. Presque tous les meubles sont en pire. La grande psyché, les petites commodes droites sur leurs jambes grêles, le secrétaire à sigles de cuivre et fines galeries, les chaises à lire. Par-ci, par-là, on rencontre un fauteuil confortable moelleusement capitonné. Près de la cheminée, la niche de Pluton, un vrai palais donné par l'oncle Jean. C'est une gigantesque ruche d'abeilles en paille dorée, fermée par des rideaux de pluche chaudron. Tout en se déshabillant, Josette réfléchit. Elle a peur de revoir André. Elle craint qu'un mot affectueux ne lui ôte de nouveau son courage. Elle l'aimait tant. Enfin, c'est toujours ainsi. Toutes les femmes souffrent comme elle. Puis, une soudaine révolte. Eh bien non, elle aime autrement que les autres, elle. Et se reprenant à espérer. Si pourtant il n'y avait rien. Si ce n'était qu'un marivaudage banal exploité par l'aréole pour la détacher d'André. Madame de Guibray est au-dessus de tout soupçon. Sa piété, son rigorisme bien connu, la défendent des attaques. Qu'importe qu'elle soit aimée si elle n'aime pas. Malheureusement, l'évidence est là. Pourquoi tenait-elle tant à aller ce soir à l'opéra? Au dernier moment, elle a écrit encore pour rappeler de venir la prendre, ce mot remis à Madame Moret. Et les plaisanteries du dîner sur ce pauvre Guibray qui, pour l'instant, gênait sa femme. Enfin, par-dessus tout, la présence de Monsieur de Lalonde à l'opéra. Elle est folle de vouloir espérer encore. C'est fini, bien fini. À moins qu'elle ne cède aux prières d'André. Pour la seconde fois, depuis le commencement de la soirée, cette pensée lui vient à l'esprit, mais elle la repousse avec effroi. Être la maîtresse d'André. Ce mot la bouleverse et l'effarouche. Elle se voit semblable à Madame de Jurieux, à Madame de Villefranche, et aux autres femmes de ce monde à côté qu'elle exècre et méprise. La nature de Josette a cela d'étrange que, placée dans un monde austère et vertueux, elle faiblirait peut-être. Par ignorance, elle céderait à la passion qu'elle éprouve et qu'elle inspire. Elle s'abandonnerait sans savoir où elle va. Ici, la vue de toute cette boue la préserve. De toutes ses forces, elle remercie Dieu de lui avoir montré où la conduirait la chute et, immobile, dans son grand lit, énervée, les yeux ouverts et les lèvres sèches, elle entend jusqu'au jour le tic-tac de la pendule et la respiration régulière de Pluton.